Bonjour à tous, aujourd'hui je tente un podcast à l'arrache. Je vous parle de l'exposition Carnet de voyage, le monde au bout du crayon, qui se déroule au musée de la Poste à Paris, donc l'adresse, le musée de la Poste qui est à Montparnasse, du 18 novembre 2010 au 23 avril 2011. Podcast à l'arrache, attention, je vais faire un micro-casque, mais par contre l'exposition, je l'ai vue ce matin, c'est encore tout frais. C'est une exposition que je vous recommande parce que l'accrochage présente énormément de supports différents, aussi bien des croquis au retrait, que des toiles, des sculptures et même des objets collectionnés par les auteurs. J'ai beaucoup aimé la manière dont les dessinateurs sont mis en valeur dans cette exposition à travers ce petit passeport qu'ils remplissent tous avec beaucoup d'humour, leur date de naissance, ce qu'ils emportent en voyage, les moyens de transport qu'ils utilisent. Et puis aussi à travers l'audio guide, alors audio guide qui est joué sur un appareil très léger, qui est le personal guide de Tonvelt, Professional Media GmbH, très classe, tout rouge et tout. Audio guidage qui est court, vraiment, des séquences courtes qui ont été écrites par les dessinateurs eux-mêmes. Petit regret, c'est que c'est lu par une comédienne, mais bon, on ne peut pas forcément tout avoir. Et puis, c'est une exposition qui n'est pas multimédia, hein, il y a juste une petite vidéo projection interactive, tout à fait inutile mais ludique. Et par contre, on suit cinq dessinateurs dans une vidéo qui est diffusée anamorphosée avec le son très très bas, mais c'est quand même sympathique de voir un petit peu ces dessinateurs faire leurs croquis en live. Voilà, c'est une exposition qui est très riche, donc sur les 2 heures que j'y ai passées, bah, j'ai pas pu tout voir, donc ça je regrette un petit peu, et puis en même temps j'ai qu'à y retourner si je veux, ceci dit l'entrée n'est pas non plus complètement donnée, puisque je crois que c'est 6,50 € pour les tarifs pleins. Et puis, je suis sûre qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera envie d'avoir chez vous quelques ouvrages avec des carnets de voyage et des dessins si vous n'en avez pas déjà beaucoup. Voilà, vous ferez sûrement la rencontre de dessinateurs qui vont vous plaire parce qu'il y a des styles assez différents. Bonne visite!